Chapitre 15. Système Hetzal. Au-dessus de la lune fruit. 20 minutes avant l'impact. Trois vecteurs Jedi volaient en formation autour du Long Beam de la République, piloté par Joss et Pika Adren. Teami se trouvait à droite du plus grand vaisseau, Mikkel Soutmani à sa gauche, tandis que Nibasek et Buryaga filaient au-dessus. Ils avaient atteint l'extrême limite de vitesse de leurs appareils, lancés à la poursuite du projectile qui allait percuter la Lune Fruit d'ici quelques minutes et faire des milliards de victimes, habitants de la Lune comme occupants de l'objet. Ils avaient réussi à s'en rapprocher énormément, en sacrifiant presque tout leur carburant, et se positionnaient désormais à portée de tir de leur cible. Leur senseur l'avait finalement identifié comme un compartiment de passagers modulaires, du genre que l'on pouvait fixer à la structure d'un cargo pour lui permettre de transporter des voyageurs. Un module essentiellement autonome, doté de ses propres systèmes de survie, ainsi que de batteries embarquées, et même d'émetteurs de champs hyperspatial individuels connectés aux appareils de navigation et de propulsion de l'appareil auxquels on le reliait. Pour l'heure, il faisait surtout office de capsule de sauvetage géante, mais dépourvue de moteur et donc incapable de s'orienter ou de ralentir. Tout ceci expliquait la présence de passagers à l'intérieur, sans pourtant élucider le mystère principal. Comment l'objet avait-il pu surgir de l'hyperespace dans le système Hetzal sans crier gare? Teami nourrissait ses propres soupçons. Elle visualisait un vaisseau traversant l'hyperespace, un cargo transportant des compartiments dédiés à toutes sortes de contenus, des matériaux bruts, du carburant, et des passagers, sans doute des colons, partis recommencer leur vie sur les mondes à peine habités de la bordure extérieure. Un problème survient sur l'hypervoie, et l'appareil part en morceaux. Tous ces fragments sortent de l'hyperespace en même temps, et malheureusement, l'accident se produit au point de transit près de Hetzal. La majeure partie des fragments de l'épave serait inerte, de simples morceaux de métal. Certains, protégés par des champs adéquats, pourraient toutefois être ces compartiments de passagers avec des occupants encore en vie, mais sans aucun moyen d'interrompre leur culbute dans l'espace, habités par la terreur et la panique qu'avait senti Buryaga attendant la mort. Attendant une aide, qui ne viendrait pas. Mais contre toute attente, l'aide en question arrivait. Les Jedi et la République étaient là, et ils allaient sauver la vie de tous ces gens, jusqu'au dernier, ainsi que celle des habitants de la Lune Fruit. « Maintenant !» dit Teami. Et son ordre parvint simultanément à Nib, Mikkel et Buryaga, ainsi qu'à Joss et sa copilote Pika. Il était temps pour chacun de jouer son rôle. Les Jedi avaient discuté de l'approche à adopter, mais seulement brièvement. Leur tâche, de prime abord, n'avait rien de compliqué. Il puiserait dans la force, touchant le compartiment de tous côtés, pour l'étreindre avec toute la puissance, toute l'énergie qu'il pouvait mobiliser, afin d'en appréhender au mieux la nature. Chaque surface, chaque poutrelle, chaque traverse, chaque câble, mais aussi, le plus important, toutes les vies qu'il abritait. Ces êtres qu'il s'efforçait de sauver. Ils enveloppèrent de force le fragment à la dérive. Teami avait déjà assisté à un rodéo sur un monde baptisé le Maelstrom de Chandar. L'objectif consistait à soumettre des animaux enragés au moyen d'une bonne longueur de corde ou de câble. Les inconscients qui y participaient passaient leur lasso autour du cou des créatures avant de leur sauter dessus et de les chevaucher jusqu'à ce qu'elles les désarçonnent ou finissent par se calmer. La plupart du temps, les aspirants cavaliers partaient en vol plané sur 4 ou 5 mètres avant d'aller s'écraser dans la boue. Parfois, ils atterrissaient en douceur, mais pas toujours. L'opération y ressemblait beaucoup. Ils tentaient de capturer au lasso le compartiment de passagers grâce à la force. Mais les probabilités d'atterrissage en douceur semblaient plutôt réduites. Les Jedi refermèrent leurs boucles de force autour de l'épave et tirèrent. Teami expira brusquement, ses poumons se vidant d'un coup. Elle n'avait pas changé de position, toujours installée dans le cockpit du Vector et se déplaçant à la même vélocité que l'instant d'avant, mais elle n'avait pourtant plus cette impression. C'était comme si on l'avait brutalement tirée dans l'espace pour l'entraîner en avant sans qu'elle puisse y faire quoi que ce soit. Parvenir à influencer la vitesse de l'objet semblait tout à fait impossible, malgré tous les efforts des Jedi. Mais il fallait qu'ils essaient. Joss Adren s'était montré clair. Même une réduction d'1% pouvait tout changer. Ralentissez cette chose, parvint à grogner Théami sans desserrer les dents. Elle sentait l'huile se rassembler dans les glandes qui lui bordaient les côtes, réaction physiologique involontaire à l'intensité de l'effort. Une odeur âcre se répandit dans le cockpit, mécanisme défensif issu de l'évolution à l'époque où les Duros risquaient de se faire dévorer par toutes sortes de prédateurs sur leur monde d'origine. J'essaie, répondit sèchement Mickaël, dont la tension naturelle déjouait les efforts du traducteur automatique pour maîtriser sa voix. Théami se demanda comment les Itoriens réagissaient au stress. Sans doute pas en produisant de copieuses quantités d'huile malodorante. Capitaine Adren, dit-elle, nous avons fait notre possible. Si vous voulez agir, c'est le moment. Bien reçu, maître Jedi, répondit Joss d'une voix tendue lui aussi. Rappelez-vous, si vous pouvez maintenir l'intégrité du module une fois que nous l'aurons harponné, ce serait préférable. Ça risque de secouer un peu. Nous ferons de notre mieux. D'accord. Tire des magnégriffes dans 3, 2... 4 disques métalliques jaillirent dans l'espace devant la formation et s'orientèrent en direction du compartiment. Une traînée de vapeur issue de systèmes de refroidissement ou de survie en émanait, formant un brouillard épais où les disques disparurent. D'épaisses lignes argentées se dévidèrent, les câbles reliés aux treuils du long beam avec lesquels ils allaient tenter de ralentir l'épave. 3 d'entre elles se tendirent tandis que l'autre partait se perdre en tourbillonnant dans l'espace. On en a accroché 3 sur 4. On ne pouvait guère espérer mieux. Il est temps de lancer les rétrofusées. Tenez-vous prêts. Par l'intermédiaire de la force, Théami ressentait les efforts et la tension qui s'appliquaient désormais au système avec toutes ses articulations et ses connexions complexes. Du long beam à l'épave, de la force au Jedi, de l'épave à la force. Et à tout ceci s'ajoutait une note de confusion nouvelle issue des pauvres survivants du compartiment qui devaient avoir perçu le choc des griffes d'amarrage comme un coup de pied de géant sans avoir la moindre idée de ce qui les attendait. Et, en toute honnêteté, Théami l'ignorait elle aussi. Le long beam activa ses propulseurs, se détacha de la formation et les longs câbles épais se tendirent, s'affinant de plus en plus, jusqu'à devenir invisibles à l'œil nu. Le capitaine Adren lui avait expliqué le phénomène. La soie composant les câbles était capable de s'étirer presque au niveau moléculaire sans perdre sa robustesse. Les attaches tenaient bon. Quant au compartiment auquel elles s'étaient fixées, on ne pouvait pas forcément en dire autant. « Ça va se disloquer !» s'inquiéta Nibasek. Buriaga émit un gémissement plaintif derrière elle. « Non !» gronda Mickaël. « Nous l'en empêcherons. Il faut simplement maintenir notre prise. »« Arrêtez de parler et faites-le !» dit Théami. La boîte de métal, de plastoïdes et de câbles soumise à rude épreuve renonçait à exister sous sa forme actuelle. Elle en avait trop enduré et le savait. Elle voulait se désintégrer, échapper au poids et à la chaleur, se transformer en nuée de fragments plus petits, tous libres de partir sur leur propre trajectoire. Et sans les Jedi, c'était exactement ce qu'elle aurait fait. Ils utilisaient la force pour maintenir l'objet en un seul morceau, employant les lassos de résistance qui leur avaient permis de le ralentir pour préserver son intégrité. La méthode paraissait vouée à l'échec. Elle nécessitait trop d'efforts combinés, sans compter que les Jedi épuisés devaient garder leur vector à vitesse maximale et suffisamment près du compartiment de passagers pour continuer à maintenir leur lien. En arrière-plan de leur pensée, une distraction supplémentaire apparut. Une nouvelle crise venait d'éclore quelque part dans le système. Une impression croissante d'inquiétude qui se propageait et enflait au sein du réseau d'Avar Kriss. Mais ils n'avaient pas de temps à lui consacrer. Ils affrontaient déjà leur propre crise ici. Devant eux, l'épave vacilla comme le ferait un tas de pierres sur le point de s'écrouler lorsqu'on en retire une. Théami ouvrit la bouche et lâcha un grognement, un bruit de tension intense, aussi bien physique qu'interne. Elle sentait toujours l'attraction qu'exerçait sur elle le compartiment et savait désormais que si elle se laissait aller, si elle relâchait un tant soit peu sa prise, son vecteur risquait d'être réduit en miettes autour d'elle. Il ne s'agissait plus simplement de la vie des occupants de l'objet, ni même de celle des habitants de la Lune, désormais si proche qu'elle en apercevait le disque lumineux qui grandissait de seconde en seconde dans l'espace. Théami cessa de penser à toutes ces choses. Elle ferma les yeux et se laissa guider par la force. Pendant de longues secondes, elle ne ressentit que le chaos, la nervosité, le stress. Puis, une décrispation, une réduction de tension infime, mais qui facilita tout le reste. Comme l'avait dit le capitaine Adren, même une diminution d'1% comptait. 1% devint 2%, puis davantage encore, et les objets qui luttaient les uns contre les autres se transformèrent en système unique. Le compartiment ralentit. Sa vitesse diminua de plus en plus jusqu'à ce qu'il s'arrête lentement, retenu par la traction qu'exerçait le long beam sur ses câbles. « Eh ben !» s'exclama le capitaine Adren à travers la com. « Je n'aurais jamais cru que ça marcherait. C'est bien le moment de nous le dire. » répondit Mikkel. On percevait son épuisement total, même à travers le traducteur. « On est presque à court de carburant. » reprit Joss en ignorant cette remarque. « 2 secondes de plus et il fallait couper nos propulseurs. Nous n'y serions jamais arrivés seuls. Merci, Jedi. » Nous n'aurions pas réussi seuls non plus, reconnut Théami. Et c'était votre idée. Que vous ayez pensé qu'elle pouvait fonctionner ou non, elle a bel et bien abouti. Nous pouvons enfiler des combinaisons et aller voir sur place s'il y a moyen d'extraire les passagers, intervint Pika Adren. Ou alors nous pouvons remorquer l'objet jusqu'à une station et l'y amarrer. Au moins ils pourront recevoir des soins médicaux là-bas. J'imagine qu'ils ont été bien secoués. Très bien, répondit Théami. Merci. Nous allons transmettre la méthode que nous venons d'employer. Je suis sûr que les autres équipes de sauvetage trouveront l'information utile. Elle redressa la trajectoire de son vector pour s'approcher du compartiment de passagers. Le module comportait des hublots sur toute sa longueur, et derrière, elle distingua des visages. Des êtres de tout type, de tous âges, tous vivants. Elle sentit leur terreur s'atténuer, remplacée par... Une alarme se répandit, fulgurante dans le réseau de conscience que maintenait Avar Kriss dans tout le système. Toujours aucun mot, mais s'il avait fallu traduire la sensation, quelques-uns auraient suffi. « Jedi, on a besoin de vous. Maintenant. » Il y avait un problème. Un énorme problème.